Hip Hop Soldier, ma man. Eh ouais, gros. Ça arrive près de chez toi. Écoute ça, gros. Les MC vont au placard pour faire du buzz. Croyez-moi, vous serez jamais tout pas qui piquera plus que mort. Sérieux, vous êtes trop marre. Quand je vous écoute, vous me faites trop marre. Je viens de là où on ne peut pas les car je veux me barrer loin de ces poucaves et de ces potes. Demande pas une celle pèse avec des sentiments. Rien à foutre de ton beau discours et tes compliments. Tu te compliques tellement la vie pour toi, une décennie c'est mort. Voilà, je te donne mon bilan. Je rappe clair. Regarde bien ma gueule et dis-moi si j'ai salaire d'un joueur du bilan. Pas si fou le camp, j'espère que t'as choisi ton camp. Ici, c'est danger imminent. Je suis tellement bouillant comme une transac de kill dans le 93 200. Demande à mes frères de sang du même continent. Africa, Stercan, zone troublante, braqueur de Keban. Moi mène Papa Lichaud, né un 10 décembre. Eh ouais, gros. Ça mon cœur, je m'inspire. Je remercie Dieu quand je respire. Je mène une vie de chien, mais bon, ça aurait pu être pire. Je me dis qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Que ça soit ou bien ou pas, ça sert à rien de mentir. Je profite de la vie pour ne pas être déçu de mourir. Je remercie Dieu quand je respire. Je mène une vie de chien. Mais bon, ça aurait pu être pire. Je me dis qu'il y a toujours moins de s'en sortir. Que ça soit ou bien ou pas, ça sert à rien de mentir. Profite de la vie. Aïe. Ça fait dealer bien que j'ai le seum comme genre joué à l'époque du PSG. Cette année, je viens pas pour perdre à domicile, mais à l'extérieur, je suis là pour me venger. Bienvenue dans mon zoo où je traîne qu'avec des étrangers. Hip hop solitaire, va arriver près de chez toi, pire qu'une bombe, c'est ça y est, je suis prêt à foutre le bordel, faut pas venir me déranger. Quand je les écoute tous dans le rap français, ça me donne envie de les manger. T'inquiète, c'est que le début. Pas là pour faire des débats au but, je préfère rester debout pour leur mettre des buts. Grâce à mon cœur, je m'inspire. Je remercie Dieu quand je respire. Je mène une vie de chien, mais bon, ça aurait pu être pire. Je me dis qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Que ça soit ou bien ou pas, ça sert à rien de mentir. Je profite de la vie pour ne pas être déçu de mourir. Je remercie Dieu quand je respire. Je mène une vie de chien, mais bon, ça aurait pu être pire. Je me dis qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Que ça soit ou bien ou pas, ça sert à rien de mentir. Je profite de la vie. Aïe, je passe trop de moments et de souvenirs pendant mon parcours. Comme dit négocentrique, les sous, je les vois pas venir. Y'a rien qui me savoure. Un instant, je te donne juste une petite faveur. Le son plus moi est égal plus de piment et de saveur. Je vis mes choix, que soit sans bien ou pas. Faut que je me taille autre part. Aujourd'hui je veux devenir quelqu'un sans me faire tricard par les stars. Bref, je regrette mes péchés et je dis Starfoula. Sérieux, j'ouvre mes yeux, je vois où j'en suis. Je remercie Dieu et je dis Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci Dieu quand je respire. Je mène une vie de chien, mais bon, ça aurait pu être pire. Je me dis qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Que ça soit ou bien ou pas, ça sert à rien de mentir. Je profite de la vie pour ne pas être déçu de mourir. Je remercie Dieu quand je respire. Je mène une vie de chien, mais bon, ça aurait pu être pire. Je me dis qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Que ça soit ou bien ou pas, ça sert à rien de mentir. Je profite de la vie.